puis Canal Congo Télévision. Nandela ya émission polele polele to pesibino mbote. Masolo ya je connais le Congo yango wana e bandi to zale penza na esengo pambate bozale penza ebele oyu bozale kulanda masolo yango penza na bokebi tratina to tembele bino penza bolandi bola mulelo to kokoba le susuna honorable Thomas Luaka Losenjola kati na masolo oyo bosepelaka na yango mikolo oyo je connais le Congo. Honorable mbote na yo mbote ndeko Flori bon yo honorable ngai sante malamu nangolo ya nzambe. Honorable Thomas Luaka Losenjola boyebi malamu secrétaire général ya mouvement de libération du Congo MLC azale mobiangami oyo azale kopesa biso na bino masolo ya Congo démocratique mboka na biso kobanda mibu mileka kino tokokoma na mikolo ya lelo. Émission ya metano to pe 5e épisode to soka ki na coup d'état ya général Mobutu. Lelo tokomeka kosolola pona koyeba général Mobutu autake pai wapi. Ba origine na ye ezalaki wapi? Parcours na ye ezalaki ndenge nini? Coup d'état oyo asalaki. Azalaki kaka ye moko to pe azalaki na bandeko basusu. Gouvernement asalaki na 1965. Banani bazalaki na kati to pe ba membre ya gouvernement ezalaki banani. Cabinet ya général Mobutu na tango wana banani bazalaki na kati pe mikano ya liboso oyo ye azwaki tango asalaki coup d'état. C'est le gouvernement ba première décision azwaki ezalaki penza nini tra na mokuse masolo oyo elongo na honorable Thomas Luaka tokokabola mokolo ya lelo. Honorable tokolexiasu tango te tout ce qui s'est la fois passé dans le coup d'État, Oyo, général Mobutu, c'est là qu'il est le 24 novembre 1965. Lelo est occasion de Biso, Bandeko, Bakolinga, Penza, Baye, Mobutu Yango, Oyo, c'est là qu'il coup d'État, ba origine naye, Israël Penza, Nin, Aouta qui est Paiwa. Merci Mingi Ndeko Flori, ya solo tomona ki Joseph Désiré Mobutu azalaki na fonction ya commandant en chef ya ANC armée nationale congolaise a sali coup d'état le 24 novembre 1965 mais comme azali mokonzi munene ya nakati ya mboka oyo akotikala na bokonzi à peu près 32 ans nakanisi ezali malamu pe bana ya mboka bayeba ye auti wapi azande ko yanani pona koyeba nani yango akonza kibiso. Eloko ya mibale na koloba, remarque ya mibale, ba makamu nyonso to koloba ya famille ya général Mobutu, ezali te tokoti na vie privée ya mutu, tokosala tokoloba makambo oyo, ezali na relation na politique. Oyo etali politique te tokokota ya ngote, mais tokoloba ba relation oyo soki ezali na influence, na rapport moko na politique. Mobutu, auti wapi? To bandi lisolo ya Mobutu e bandi na Guadolite. Na Guadolite elenge moko andai ko vanda na ko babenge na kombo Alderic Guemani azalaki na fiancé na ye azalaki na fiancé na ye sikoyo aza ko luka musala ayeko zwa ayeko longwa Guadolite aye na lisala na ko kadre ya ko luka musala epa na lisala na komi azalaki penda na nde kote mais notable moko ya mungwandi azalaki installé na lisala babane ko benga ye papa Lando po ba oyo baibi makambo ya muziki na kanisi bakoyi koyeba azali koko ya musicien moko munene pe azali na kati ya mboko babengi ya Rossignol. Koko ya Rossignol Lando azalaki notable ngwandi o azalaki na lisala Bwemani ayeko vanda epa ya Lando ti nandenge ayeko zwa musala epa ya substitut ya procureur tolobaka ka magistrat ya magistrat moko ya mundele wana na ville ya lisala wana Bwemani atiki fiancé na ye na Guadolite. Tuye kotala sikoyo kote ya Kawele. Kawele zali mboka moko zali a quelques distances, quelques kilomètres na Guadolite. Jeune fille moko azalaki wana, azalaki na libala epa ya chef kutimwe munene ya Bangwandi na Kawele babengi kombo ya Kangayani. Mwana mwasi wana aboti na Kangayani bana mi bale. Kombo na ye Marie Madeleine Yemo aboti na Kangayani bana mi bale epi aye kolemba libala wana. Akimi na Kawele na bana na emi bale aina bango na lisala lisala wana pe na kadre kaka ya koyebana ayeko vanda epa ya Lando oto mwana ki notable ngwandi ayeko vanda na kati ya lupango wana na bana na emi bale wana sikoyo garson wana Gwemani mwasi atika kikuna na gwadolite aboti mwana azako tina mbongo po batindele mwasi na ye bandeko na ye azaki na bakuzini moko wana toko yako mwana bango sima bakuzini wana mbongo ezoko mate mwasi azako yate ti lokola bazako fanda ndaku moko bwemani na Marie Madeleine wana baye kolingana ti baye ko balana Marie Madeleine yemo azaki na bana na ye mibale mwana liboso babengi ye mofoto mwana ya mibale ayebani na kombo ya Mungwele Toku Francisca. Mungwele Toku Francisca ye nani yende akoya kokoma mwasi ya General Bolozi. Bolozi ki sera le responsable ya sécurité militaire to babengi yango bureau 2. Tokozongela ngo sima. Donc bana mibale ya mama yemo na libala na ye liboso movoto na mama Francisca. Siko tango baye kokoma na Boimani, baye kobota na Boimani bana mine. Mwana ya liboso ba pesi ekombo ya Joseph Désiré Mobutu abotami le 14 octobre 1930 na Lisala yami balé ba ekobota ba bengé na kombo ya Kwadeba yami sato ba pesi ekombo ya Dongo Yemo ambassadeur Dongo ba tumsuba ibakié akufa ki na ba pays scandinave et puis yami ne kombo na ye mwana ya suka kombo na ye Bwemani. Bwemani oyo peut-être batu bayebi mwana na emo kwa uchi kokufa kala mingi te bandeko benga e golf Bwemani oyo ba musicien ba hemba ka mingi Silva Bwema na golf Bwemani bana ya leki ya suka ya Mobutu. Donc voilà Mobutu ndenge famille na ye papa na ye Alderic Bwemani mama na ye mama Marie Madeleine yemo. Mais sikoyo Bwemani na gbadolite na ebiso azalaki na cousine na emoko cousine wana kombo na ye ezalaki Ngawali. Ngawali akoya kobota mwana moko ya mobali akopesa ye kombo ya Etienne Nzimbi nde oyo akoya kokoma General Nzimbi commandant ya DSP division spéciale présidentielle. Donc wana Nzimbi azali mwana ya cousine ya papa na ye Gwemani. Kote ya mama mama ye motolobaki autaki na Kawele. Mama ye mope azalaki na cousine na ye. Cousine na ye wana pe akoya kubota mwana kombo ya cousine wana Mobwele Banza Jeanne. Mobwele Banza mama Jeanne aboti mwana akopesa ye kombo ya Jean Lito. Nde oyo akoya kukoma Lito moboti. Bakter wana nazako pose bango deja boza komona. Ba relation na bango deja bazalaki na ngo na Mobutu. Pona kusulisa penda l'histoire ya famille ya Mobutu, Jean Lito donc cousin ya Mobutu, Jean Lito akoya kobala mama moko ya Guadolite kuna kombo na ye ya Telombasa. Ya Telombasa ye nani? Ye ya Telombasa wana ayebani mingi na kombo ya mama Kota na Kingwande lakisi mama Kulutu. Donc ya Telombasa azalaki na ba leki na ye mi balé ya mapasa kombo ya telwana ya papa na bango kombo na ezalaka Kosia mama na bango kombo na ezalaka Bobby tangu ba couple wana e ko bota mapasa lipasa ya liboso ba pese kombo ya Kosia lipasa mi balé ba ko benga e Bobby la dawa. Donc balé ki ya mwasi ya Lito nde moko akoya kokoma deuxième femme ya maréchal na kombo ya Bobila Dawa azali mama oya boti Nzanga Mobutu na Giala Mobutu oyo toyebi bango lelo. Donc voilà un peu relation ya famille ya Mobutu peut-être loko ya suka leki ndeko ya bamapasa wana to ya famille ya mwasi ya Lito leki na bango ndeko na bango moko kombo na ye Fambi. Fambi akoya kozwa influence mingi sur le plan politique na suka ya régime na titre fonction moko azalaki nango bande ko benga RCP. RCP la ki seni ni représentant du couple présidentiel to oncle national. Donc Fambi azali frère ya Bobila Dawa. Voilà un peu origine familiale ya Mobutu. Sikoyo tokotala parcours naye ndenge tolobaki Mobutu abotami le 14 octobre 1930 na Lisala na mois de mars 1934 aena baboti na awa na Kinshasa na 1937 abandi école primaire na Sainte-Anne awa na Kinshasa le 11 août 1938 décès ya Alderic Gwemani awa na Kinshasa. Gwemani akufi na hôpital papa na Mobutu akufi na 1938 na hôpital bandako benga hôpital général des Congolais oyo toyebi yango lelo na kombo ya hôpital général de Kinshasa to mama yemo nde esika Boemani akufi 1940 famille elongwe Kinshasa ezongi na Équateur et puis na 1946 toye komona Mobutu a reprendre école na groupe scolaire ya Mbandaka to ya Kokilati ville et pas ya frère des écoles chrétiennes nde esika Mobutu abani kotanga classe et puis le 23 décembre classe yango pe ezalaki ndenge wana. Le 23 décembre 1949, Mobutu akoti na musala ya soda. Na tango akoti musala ya soda, après formation ya militaire de base, batindi akei na Luluaburto na Kananga pour na kosala formation ya secrétaire comptable. Tango akomi kuna na Luluabur, instructeur, sergent major moko abanda ko lakisa bango musala ya soda, babengi na kombo ya Bobozo. Bobozo azalaki instructeur na Kananga yenda formé ba Mobutu na musala ya soda et puis ba camarade na ye to ba masuwa na yenda ba benga na armée oyo azalaki na bango kuvanda ba camarade na ye na Kananga na kati ya formation moko ba bengi ye général Kulufa akoya kokoma sima général Nkulufa mususu ba bengi ye Somao ye pa akoya kokoma général Somao wana baninga ya Mobutu na école militaire. Na 1952 ayé kozwa brevet ya des secrétaires comptables. Na 1953 ba muté ye awa na état major général ya force publique na Kinshasa. Le 1er avril 1954 ayé kozwa grade ya sergent et puis le 26 juillet 1955 ayé kobala abali nani abali Biatibwa Marie Antoinette to ayebani mingi na kombo ya mama Mobutu. Le 31 décembre 1956, Mobutu a longué na armée. Parce que tant qu'on a armée, ils ont un contrat il y a 7 ans. Au moni, à côté qui n'armée, au moni angawa. Na 1949, le 23 décembre 49, le 31 décembre 1956, donc 7 ans aye et koki, Mobutu a bimi musala soda et puis aye kokota. Non, c'est ça qui s'est annoncé et qui a bien qu'il a commis fin terme. Donc, terme est contraire à et Sili. Aïko Kota Siko a commis journaliste en actualité africaine. Una Siko en actualité africaine, on a journaliste. Aïko Ebanan. Moi, je suis en place pour que armée. Pour Aïko Kota na journalisme. Allez, quand il y a formation, mon quoi quelque part ou bien car on a mis sur ma case et puis bon. Mobutu abané kotanga mingi, azalaki autodidacte. Mobutu azalaki na ba diplôme mingité, mais azalaki autodidacte. Mais tango déjà azana kati armée, abané déjà kokoma. Donc abané ko azalaki initié na musala journalisme, abané déjà kokoma. D'ailleurs kutu tango aza na kati armée, aza kotinda ba article na ye na journal oyo actualité africaine, yango yebanaki na bango, akotinda mais comme akoyi ko signé na kombo na été. Il y a Joseph Désiré Mobutu parce que soda azana droit à kokoma article était na ba journal ya ba civil aza ko signé na kombo ya debandi la kisini ni parce que mboka na ye o autaki ya za mutu ya territoire ya mobai mbongo ville wana kombo nango kalabanda ko benga ngo bandiville yesu ko zolo bangai na za debandi donc ya zo signé ya kana ti surnom na ye kwa ba article na zo koma ako signé debandi donc pona kolakisake auta na mobai mbongo et puis donc abani ko travailler wana ayeko sala pe ko sala connaissance na batu na kati ya journal wana akutani na Maurice Kasongo Philippe Kanza oyo azalaki mwana ya papa Daniel Kanza ya Abako ba notable ya Abako Philippe Kanza akutani na Mobutu na kati ya journal wana et Philippe Kanza azalaki frère ya Thomas Kanza oto mwana ki Lumumba tinda ki ambassadeur na États-Unis. Et puis, il y a eu un peu de journal na Jean-Jacques Kande. Kande, tu as vu, Sima, et Moussala, à un moment même, je crois, a commis au Kande Djamboulate, a commis même gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans le mois de juillet 1956, il y a eu une première rencontre dans Lumumba, dans le journal d'actualité africaine, a découvert Lumumba, a sympathisé avec lui. Et puis le 28 décembre 1958, tout le monde qui est en haut le 28 décembre 1958, na ba émission ou te koleka, nde mukolo Lumumba a salaki meeting munene awa na Kasavubu, na Kalamu, na Imka, ou a salaki succès, tellement succès le kaki makasi, nde mokolo wana Mobutu azwi carte na ye comme membre ya MNC akoti na kati ya parti ya Patrice Lumumba. Et puis le 26 avril au 16 mai 1960 to monaki yango pe lisusu atikali na table ronde économique pona ko représenter MNC Lumumba ye na Mario Cardozo. Mobutu na Cardozo nde ba représentant ki parti ya Lumumba na table ronde économique. Et puis le 10 juin 1960, Lumumba bengisiye alobi tika Bruxelles yaka na Kinshasa wa makambo za ko changer a bengisiye Mobutu akomi na Kinshasa wa le 10 juin 1960 et puis le 24 juin 1960 Lumumba akotisiye na kati ya gouvernement na ye comme secrétaire d'état à la présidence du Conseil. Donc Mobutu akomi membre ya gouvernement. Et puis tu es comme on a yango le 5 juillet 1960 mutinerie donc ba soda ba tomboki mobulu ekoti na kati ya ba camp le 5 juillet mutinerie ya force publique le 8 juillet Lumumba a économé Mobutu parce qu'a yebi ki azaka sala ki musala ki soda Mobutu a économé Lumumba a économé Mobutu chef d'état major général ba tuni olonga ki na armée na grade nini alonga ki na grade a sergent mona ki yango ba ekopesa ye grade ya colonel pour balobi soko zongi kuna chef d'état major na grade a sergent mutumuko a ko respecter ote donc ba pesa ye grade ya colonel. Le 12 septembre 1960 Kasavubu to mona ki yango pe a révoqué Lundula parce que les 11 Lundula kende ko libérer Lumumba ou bakanga kiye Kasavubu le 12 septembre a révoqué Lundula a nommé Mobutu commandant en chef faisant fonction ya ANC donc a komi sikoyo numéro 1 ya ANC ya armée. Le 14 wana le 12 ba nommé le 14 septembre Mobutu a ekozwa décision ya ba neutraliser ba institution politique nyonso président de la République, premier ministre, parlement et tout à lobby mutu azali sous na droit ko sala activité politique mon côté et puis a nommé gouvernement oyaye to mona ki yango collège des commissaires généraux oyo ezalaki présidé na Justin Marie Bomboko et puis to mona ki pour la première fois un jeune étudiant à kota na politique de manière active Etienne Tshisekedi azalaki vice-ministre ya justice na kati ya gouvernement na ya Bomboko wana na 1960 donc baloba kayango premier coup d'état ya Mobutu yangwana et puis to uti komona le 24 novembre 1965 Mobutu asali siko coup d'état o yemoko a komi président de la République. Donc voilà un peu parcours résumé à parcours ya Mobutu avant coup d'état na ye na kanisi ba ndeko batali bolandi penza na bokebi ba baike bozale ko senga baloba kama malembe poto komaka kasi ezali etandeke na kanisi bozale ko lada penza na bokebi ndenge honorable Thomas Lowaka abeti histoire origine na parcours ya Mobutu tukome na coup d'état le 24 novembre 65 coup d'état esalami na libaku oyo tokolinga toyeba est-ce que azalaki kaka yemoko toi azalaki like na bandeko mosusu basanganaki mpona kosala coup d'état wana. Merci mingi ndeko. Coup d'état esalami balobaka yango communiqué bimaki lobi le haut commandement. Au commandement ezalaki nani ezalaki ba commanda ba congolais nyonso ya ba grande unité o bazali ba commanda ba groupement militaire na ba commanda ya ba brigade donc ba commanda ba unité minene ya armée ba yaki bango nyonso na kati ya réunion wana ba oyo ba signaki décision ya ko destituer Kasavubu bazalaki 14 personnes donc ba 14 officiers nande ba bengi bango membre ya au commandement bazali banani ya liboso lieutenant général Joseph Désiré Mobutu, Yami Balé, général major Bobozo, Yami Satu, colonel Moulamba, à quoi comme général Sima, 4 colonel Itambo, 5 colonel Massiala, 6 colonel Nzoiba, 7 colonel Bangala, 8 lieutenant colonel Tchachi, 9 lieutenant colonel Singa, à quoi comme général Singa, et 10 lieutenant colonel Malila Otomonaki azalaki chef d'état major général ya ANC o Mobutu atinda ki na mission akende ko remettre lettre et pas ya président Kasavubu ya koloba ke tolongoli yo et puis 11 tozana lieutenant colonel akoya ko mape général Ingila et puis 12 colonel Munyango 13 colonel Basuki akoma ko mape général 14 lieutenant-colonel Tukuzu et puis akoya kokoma général Tukuzu. Voilà 14 personnes oyo officiers supérieurs oyo basinya ki décision ya ko destituer Mobutu et ko destituer Kasavubu en compagnie de Mobutu. Mais 14 wana nde babenga kabango membre ya au commandement. Mais nas 1974 tango Mobutu akoya ko créer ordre des compagnons de la révolution. Akoya ko kotisa ba officier misusu mine en réalité bazalaki wana tomona ki bango mais bazalaki na qualité te ya ko assister na réunion wana mais ba participer ki na activité ya coup d'état ezali nani ezali général Wabali Wabali tomona ki ba pesa ki mission ya kendo kata téléphone ya Kasavubu mukolo ya coup d'état général Nkulufa Nkulufa toti komona ye na Kananga, oui. Général Lono, Lono nde mutu batinda kia kene kotanga communiquer na radio na Tongo, ya kolobake o commandement zui pouvoir, et puis Major Ilosono, Ilosono azala ki secrétaire particulier, ya Mobutu, Tangwana Mobutu, commandant en chef. Et puis, à titre anecdotique, baye kokoti sa na compagnon de la révolution civile moko ezali maman Antoinette parce que balobi mokolo to salaka coup d'état ye mutabande ko lambela biso café azwa ko servir biso abande ko landa pe masolo na biso donc ceux qui makambo etambola ki te risque ye pe alinga ka za l'impliquer donc maman Antoinette a koti pe comme compagnon de la révolution donc voilà ndenge et groupe ya bato oyo basala ki coup d'état na Mobutu. Otangi wana 14 mikonja ba soda o bandima ya kotia maboko pona coup de tesser mais ba mususu pe ba zaki na bango bango nyoso ba kondisa ba soda ba zaki d'accord ou ba mususu ba boya ki decision wana non ba membre nyoso o ya o commandement ba zaki bango nyoso bandima ki ba zaki convaincu donc bandima ki ba puya ki decision na ko pende zaki ni pourquoi ka ba renverser bo conduit bien ba monaka na kata mboko ya 20 ça ne va pas. Non, lecture na bango basala ki walobi non tozolinga ba politiciens bazolinga bazong service na désordre. Mais en réalité, je crois qu'on a fait sur le plan démocratique. To sala ki moi retourne en arrière parce que to monaki bien ba parti politique. Mobutu na propagande ya bandeko loba, il y avait plus de 500 partis politiques mais to uta ko monawa na ba élection ya 1965 ba parti politique etikala ki sur belete etikala ki misatu ezala ki oya chombe konako FDC na parti musu ezala ki wana. Donc, ils allaient qui pendant la partie sous Mingité, et puis tout le monde a dit que élection législative et les cas qui bien qu'on a coézu majorité dans le parlement, tout ce qui est une élection présidentielle pour la démocratie quoi qu'on l'enda na katiambo kanabiso. Donc, on est allé qui kaka bah raison bah avant ça qui que d'ailleurs couto pour na consulter sa dossier on a peut-être il y a coup d'état. Tout le monde a dit que Kasavubu tangwa tindi kimba na parlement comme premier ministre bah benga na kiyé. Mutu oyo aibisaki Kasavubu il faut tinda kaka kimba lisusu pour la deuxième fois c'était Mobutu oyo alors que mutu moko proposa ki ba nommer nendaka pour ko éviter crise pour ko éviter crise abi mutu basi ba bengane bozong service ndenge nini en réalité Mobutu azaki na besoin ya crise wana pour ko justifier coup d'état na ye d'ailleurs bombo nendaka qui n'avait pas compris après tango naibisa ki conflit koma kina Mobutu alobi mais balinga ba nomenga premier ministre oboya ki pona nini après coup d'état Mobutu akwa ko expliquer que soki ba noma ki yo crise linga ezalate moyibiso to intervenir ezalakite do il fallait ka crise wana e continuer yangwa na sala ki nengona nenda kalobi mais il fallait expliquer ngalobi non makambo na ba expliquer ka avante parce que fuite ko iko salama donc voilà un peu ndenge coup d'état et salami et puis après Mobutu a ekotia en place premier gouvernement. Très bien. Tu y es bien. Avant tout, comme on a macambété le premier gouvernement, tant au coup de tête, ça souvent. Na kati amboka, ba tu musu ba kenda kalokola ba victime ba zwakaliwa. Na coup de tête, y a 1965. Ba tu ba kufaka, tu ba kufaka. Non, coup de tête 1965. Atali ça c'est mon côté betamaki. Ezala ki penda ilo mwenge le kaki nandenge ya kimia président Joseph Kasavubu tomona ki yango a résister kite a tia ki makelele te et puis andimi na ye. Kozonga na mayumbe esika kene kuvanda. Voilà. Kasavubu andimi ko tike bonga azonga na na province ya Bakongo, Mobutu azui bokonzi ya ko kambamboka, finalement gouvernement na liboso et salami et salama kindenge nini. Premier gouvernement. Mobutu asali gouvernement na ye ya premier gouvernement na ye wana. Aye kozwa bon ba épisode mususu tozo sauté hein parce que tozana ngonga mingi te akota na ba détail nyoso. Na 1964 référendum au Salamé qui na Congo pour na ko adopter constitution si ka babengi ngo constitution de Lulwabour. Constitution de Lulwabour wana ekata kimboka na tomoni tozwa ki indépendance na 6 provinces. Mais na constitution Lulabour, bakata ki province, ba province c'est comment ki 21 provinces, bande ko benga ba province 7. Ba province 7 toi celle qui moi mon boulou mingi ba tension d'ailleurs entre autres est justifié qui parfois ba rébellion. Mobutu siko tangwa zui pouvoir akuti ba province 7 wana. Akoya ko nommer sikoyo une personnalité par province 7 de ko composer gouvernement na ye. Bon, na kotanga peut-être bangonyo sauter mais quelques ba combo oyo ba tubakoya ko sala combo après. Na gouvernement premier gouvernement ya Mobutu après coup d'état a tié premier ministre a tié colonel Léonard Moulamba auto mona ki azala ki membre ya au commandement. Yepe mutabiki saka Bukavu na Bitumba ya ba rebelle ya 64. Donc Léonard Moulamba premier ministre, ministre des Affaires étrangères Justin Marie Bomboko, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières Étienne Tshisekedi, bango nyoso baza ko représenter ba province 7 na bango, Bomboko ko représenter province 7 ya Vet Central, Tshisekedi Sud Kasai et puis na pona ko kenembangu na finance tozana Jean-Joseph Lito Otomona ki cousin ya Mobutu ako représenter Ubangi, travaux publics Jean Bolikango pona moyen Congo, poste et télécommunication Bertin Mwamba, transport et communication Victor Nindaka, travail et prévoyance sociale Victor Kande, justice garde des sceaux Filemon Madoudou ayebana ki pendant mingi te après, agriculture Alphonse Zamundu, plan et développement Jean-Marie Kititwa, commerce extérieur Oscar Moulelenu, fonction publique Michel Collin, éducation nationale Athanase Njadi, classe moyenne Bernardin Mungurudiaka otomonaki azalaki muninga Lumumba bande ko kima na nzela moko Mungurudiaka koti pona représenter Kwilu et comme ministre à classe moyenne, santé publique Martin Tshishimbi et puis quelques secrétaires d'État. Mais secrétaire d'État autorisé pour retenir Awa Ezali, secrétaire d'État à l'intérieur Joseph Nsinga Oyo akoya kokoma Singa Uju akota ki membre ya gouvernement Lumumba comme adjoint comme secrétaire d'État et puis un haut commissaire à l'information et tourisme mais azana raya secrétaire d'État Babengie Jean-Jacques Kande. Donc voilà na ministère de la défense Mutu azala kite parce que na régime à Mobutu pendant 25 ans Mobutu yemoko à cause de la président de la République pe ministre ya défense gouvernement et salami ndenge to utu kolanda wana est-ce que gouvernement wana ezoki pe makoki penza ya kokamba mboka ndenge sengeli bana mboka ba se retrouver ki na kata gouvernement wana. Tout à fait ezala ki assez populaire parce que moni déjà Mobutu aluki représentativité wana ya ba province nyonso donc c'était quand même un gouvernement assez populaire et puis population ezala ki pe na mwa lassitude ya ba politicien et puis ba mesure musu Mobutu akoya kozwa entre autres ya ko diminuer train de vie ko diminuer salaire ba député ko diminuer ba salaire ba ministre wana nyonso et c'est pela ki c'est pela ki batu Mobutu yeme ke pa annoncer que naza président de la république mais ngana ko continuer kozwa salaire na ngakaka o ya musala soda comme officier nakati armée yamonde na bando vivre nango do ba annonce wana nyonso et c'est pela ki batu mais siko tokomona ndenge nini Mobutu akoya kosala cabinet naye voilà tout le kakasina makambe tale cabinet pamba bande ko bokolimbi sabizo pamba te na ebi ka posa na bino zera kate to tikra kaka wana boyo kaka masulu ngo kasina etandweke to tambola kande simana tango ngonga we pesa meri biso to sengere ko to sa ngo pamba te masulu yango pe yokosira mokolo na mokolo mo na mokolo moko te cabinet ya Mobutu esalami banani siku bazalaki na kati liboso Mobutu aza ko travailler mingi na ba universitaire mais ezali te ba conseiller ya mulili ba conseiller mulili ti le 8 novembre 1960 1966 le 8 novembre 66 Mobutu a été créé secrétariat général à la présidence secrétariat général à la présidence wana ezali dirigé na nani ezali dirigé na un ancien leader ya IJEC ezali nini IJEC ezali regroupement association moko boye c'est l'union générale des étudiants congolais ezali association ba étudiants où ils allaient regrouper ba association nyonso ya ba étudiants par université par exemple na lovanyoma tozalaka na association andako bengango AGEL AGEL elakisi association générale des étudiants de l'Ovanium. Tous ceux qui peinent association sonobenga par exemple agenda. Agenda Zali, association générale des élèves de l'école nationale des droits et administration. Donc IPNP bazala kapé na association na bango. Donc si ko ba association à chaque université wana to institut supérieur ba yaki ko sangana na association moko ya munene ba bengi yango IJEC. L'un des leaders ya IJEC wana. Leader na ngo munene kombo na ye Gérard Kamanda o le lokoyo koma Kamanda Kamanda yende ba pesie siko direction ya secrétariat général à la présidence neti directeur de cabinet ya Mobutu na 1966 et puis basali trois directions. Direction moko ya affaires économiques, commerce et finance ba pesie yango na Jean Bongoma. Direction mususu affaires juridiques et administratives ba iko pesa ngo na leader mususu pe ya IJEC mais après bakwa ko longwa IJEC bakwa ko sala ya bango asebalo association des étudiants ba Congo de l'Ovanium mutazala ki président association ana kombo na ye Umba Dilutete akozwa direction moko na secrétariat général la présidence o ya question juridique et administrative aza ko konza yango mais sous autorité ya Gérard Kamanda et puis direction mususu babengi yango ya affaires techniques mines énergie et énergie et communication ba iko confier ngo na premier ingénieur civil en électricité o yazala ki formé na l'Ovanium kombo na ye Barthélémy Bisengimana mwa polémique ezala ka surier ba livre mingi na tangi ba lobby azala ki président ya association des étudiants rwandais et ana Congo yende zalaki président association ana mais Mobutu ayeko zoyé atie na kati ya secrétariat général na ye wana tokoya komona après Bisengimana ndia koya kokoma directeur de cabinet ya bureau du président de la République pendant plusieurs années na ba pouvoir mingi en réalité ako azalaki niti premier ministre tant aux fonctions ya premier ministre et koya kokufa. Donc voilà Bongoma Umba Dilutete Bisengimana supervisé par Gérard Kamanda wana nde basali cabinet ya babengi yango secrétariat général à la présidence. Mais na octobre 1967 changement ekoya kokota elongwe secrétariat général et kokoma sikoyo bureau du président de la République bakupe sa direction wana Gérard Kamanda kolongwa bakwa kopesa ngo na Loliki après Loliki Bisengimana koya kozongo. Mais assez rapidement na 68 tokomona pe garçon mususu koya kokota na kati ya cabinet wana kombo na ye Léon Lobitch après na authenticité akoya ko changer combo akoya ko zo combo ya Léon Kengo Wadondo. Donc voilà un peu cabinet ya maréchal ndenge abande ko travailler na bango. Cabinet ezalaka salami na kaneti bolandi wana ba combo ya bandeko oyo bazalaki na kati ya cabinet wana. Alors ba première décision ya gouvernement ya Mobutu ezalaka décision ya liboso ya Mobutu tango azui pouvoir. Le 30 novembre 1965, première ordonnance Mobutu a signée a mis pesi des pouvoirs spéciaux au président de la République à l'objet à partir de l'élo ngai na komi na pouvoir boy. On appelle ça les pouvoirs spéciaux. Le 22 mai 1966, Elongwe ba pouvoirs spéciaux a komi pesa les pleins pouvoirs. Ça veut dire que pouvoir est à parlement. Et longue peine à parlement et kokoma na maboko ya président de la République a commis qu'on a pouvoir ya ko sala pe mibeko ya mboka. Donc a commis na pouvoir mingi penza. Et puis le 26 octobre 1966 ba ko longola général Moulamba oazala ki premier ministre pe Mobutu a bomi fonctionnaire ya premier ministre. Donc premier ministre azali soutenir na mboka en réalité tokoti siko na régime présidentiel oyo président ya mboka mutu asa ko konza mboka yemoko directement. Et puis décision mususu le 2 juin 1966 awa na Kinshasa na esika leloyo batonga stade de martyr ba eko boma 4 politiciens ba bomi 4 politiciens na par pendaison pona nini ba lobi ba sala ki complot ba bengango le complot de la Pentecôte. Basala ki complot po balongola Mobutu pona ni babenga ngo complot ya parce que salamangi na période na Pentecôte pa ya ba catholique. Donc date c'est ça question en date. Donc balobi basala ki complot il faut ba bomabango en réalité beaucoup d'historiens lelo baza ko attester yango ezalaki piège oyo Mobutu alinga lakisa pouvoir na ye pe ko bangisa batu atindi officier mibale ya armée bakende ko piéger ba politiciens ba officier ngo ezali Bangala oya ko koma général Bangala na Efomi bake ko yebisa ba politiciens voilà biso maka Mobutu asali ya coup d'état wana to sepeli na ngote biso to moni photo longola ye to zongisa pouvoir et pa ya ba civil. Donc il y a ba politiciens pe ba ko ina piège wana ba mi pe si rendez-vous tokutana na adresse boye na air boye po tota ndenge to finaliser coup d'état ngo ba politiciens pe tango ba ina réunion wana ba kangi ba ngonzo ko zalaki mutambu mutu moko aye ko bika tango ba komi wana ba kangi 4 wana mutu moko ba musala zalaki wana domestique ayoki ba soda ba ko solola entre bango ba bi bon sikoto sto kangi ba otoko zela kamitatu parce que kamitatu pa sakine loko ngo toko zela kamitatu aya tokanga epe mutia muta musala na zaki muta bandundu ayoki ndengwana abimi na porte sima akeko zela kamitatu na kwa balabala kamitatu azakoya atelemi si mpangi pangi kokoma kuna te eza mutambu bako zela baninga no basi bakangi bango kamitatu atourna mutuka akimi me bakende kamemba bakanga kiye bakondane bango a mort bakondane bango a mort. Kamitatu abika kipona nini yango lisolo moko tobeta ki mokolo ana ya 1960 na lobaki ke tokomona effet nango na 1966 tango bakondane ya mort mama Mobutu Marie Antoinette aibisi mobai na eme mobai nanga kamitatu yo lingobo malelo ye webi abikisaka yo vi na 60 webi makambo sala kapona yo tomona ki yango Mobutu tango azoke ndo kalmer ba esprit akenda na kankokolo Babetaka ye balingi babomaye ti gouverneur ya Leopoldville Kamitatu ayaka ko sauve wana abimisaka ye mama Mobutu abosanaka eloko wana te yango monaka tango baye ko pendre batu na stade de martyr Kamitatu azalaki te parce que peine na ye de mort ba komiyo yango na peine ya prison donc baye ko boma batu mine wana bazalaki banani tozana Alexandre Mahamba. Alexandre Mahamba azalaki ministre affaires foncières na gouvernement Lumumba, na gouvernement Lundula, Adula, gouvernement Adula, ministre affaires foncières, na lisolo tomona ki mukolwana, directeur de cabinet Alexandre Mahamba, kombo na ezalaki Prosper Luaka Lufungula nde papa nangai. Donc ministre ya papa nangai, na stade de martyr wana, ba diembi kisiye. Yami Bale, tozana Evariste Kimba. Evariste Kimba, azalaka ministre affaires étrangères na sécession à Tchombe. Tango Tchombe salaka sécession, tango Tchombe et sécession sili toye komona eli susu Evariste Kimba ndeyo azalaki dernier premier ministre ya Kasavubu. Oyo Kasavubu atindeke na parlement ba benganie. Evariste Kimba wana pe babomaki wana na stade de martyrs. Et puis Yamisatu Jérôme Anani, Jérôme Anani azalaki ministre ya défense, ancien ministre de défense na gouvernement Adula et puis mutu ya Suka. Babengye na kombo ya Emmanuel Bamba, azalaki ministre ya finance na gouvernement Adula. Mais Bamba ye nani? Bamba azalaki, pona koloba langage ya bakinwa, azalaki petit ya confiance ya prophète Kimbangu. Tangu bakangi Kimbangu batine na katanga, bakanga kipena ba Kimbangu este mususu baza korelege bango na intérieur. Mais Bamba akendeki na Lubumbashi na Simon Kimbangu afandaki na yependa bambu le bele donc o prophète azako expliquer ye idéologie na ye philosophie ya mouvement na ndenge zali et puis bamba baye ko bimisa ye azongi na Kinshasa wa aye ko sala église na ye église Kimbangu c'est ce que comme na ba chef mibale église moko oyo ezali dirigé na Diangenda mwana ya prophète na église mususu eza dirigé par Emmanuel Bamba bako benga ye fils spirituel ya Simon Kimbangu. Donc sikoyo mobule koti na kati église Kimbangu se balobi nani azali légitime. Batimusu balobi non, c'est le fils spirituel. Oyo penda vanda ki na ye, ezali lokwa molimo, ezali mosunité. Batimusu balobi non, ezali diangenda parce que za makila ya prophète. Donc moi confusion ne kotaki, mais lorsque Mobutu abomi Emmanuel Bamba na 1966, église Kimbangu est komi réunifié autour ya papa Diangenda. Et les Cambo na wese maki ya koboma bande ko bana na pendaison awa na ville province ya Kinshasa et memaki ni na kati ya mboka memaki kimyo bien non et memaki kobanga parce que en réalité bato basala science politique batanga livre ya Machiavel. Machiavel, Nicolas Machiavel azali auteur moko ya politique ya ba Moyen Âge, akoma makambo mingi, apesa ba conseil mingi soko zali mokonzi. Entre autres, apesa conseil yoyo. Soko okomi mokonzi sika, il faut frapper makasi po bato babanga yo mbala moko. Au lieu de frapper comme malin, malin, malin, et qu'on met là, bah tu vas nous reprendre encore de temps en temps, bah provoquer kayo. Donc, au lieu de frapper malin, belé, mouké, mouké, mouké. Au lieu de frapper comme mouké, mouké, négoana malin, belé, bêta kaka malin, moko, makasi, bah tu vas au bang. Donc, conseil wana Thomas Machiavel, ya Nicolas Machiavel, yangona mobuto appliqué ango, tangwazu pouvoir, alobi fona la kisabato yoke blague sili, masekeza li susute, yangona ba pendre bato awa en public, et chokaka bato. Première fois qu'il y a une pendaison, il y a des politiciens sur la place publique. Et je crois que les gens ont fait des comprendre que la démocratie est sili. Il y a des gens qui ont fait des choses. Bandeko batali ngonga ezali ngonga. Ngonga ezali ngonga na kati na etandeke makambo to saraka nyonse tambla kabongo na simana tango. Tokoko retenir nene honorable na mayenyo sotrobilelo na we tali bongo mosala oyo general Mobutu asalaki simana ya kozwa kozwa ko botra bokonzi ezali maboko ya Joseph Kasavubu na origine na parcours coup d'état premier gouvernement, ba membre cabinet, na nyoso tolobilelo, ba téléspectateur, ba koki penza ko simba penza nini. Et loko ba spectateur na so ko ko simba lelo, et loko ya liboso eza conseil na ba jeune. Tomoni yango jeune garçon abotami na lisala, formation penza ya classe ya malonga ezala kite mais par la volonté à se former yemoko. Mobutu atangi ba livre belé. Asala ki autodidacte. A sali effort ya koyeba koyekola makambo donc nakanisi ona pe ba jeune ba sakolanda biso ba koyeba ke yo moko poza ni na capacité ko se former to moni esika mobuta uti papa na yazala ki muta musala ya basango domestique ya basango mais par l'effort na ye discipline personnelle courage effort a sali ti ayeko koma na sommet ya l'état donc effort e futaka sacrifice futaka na kati ya vie na kosenga na ba jeune balandi biso baza kolanda biso et quel que soit domaine na yo na lobite kana politique quel que soit domaine ozali ko salisa soko mi pesi na série nyonso okoyi kokoma quel que soit esiko bandeli eloko ya mibale tokoya komona ke sikoyo Mobutu ndenge na uti kopesa ba relation famille awa oza komona ba cousin ba cousine ba bandi ko apparaître na sommet à l'état moi ko gérer na kindeko munoka mboka ko yakokota même si dans les premières années wana ko apparaître était mais vers sous ka régime ko yakomona penda ke famille au sens large et ko yakozwa poids mingi na kati ya politique to mona ki yango eloko Kasavubu a pratiquer ki yango te donc wana ezali pe ba leçon ya ko retirer pe lisusu et le côté qu'on retenir les lots que Mobutu pouvoir fort à quoi qu'on impliquer Batunyonso il y a ba province gouvernement na ya sa livre mes à gouvernement ouverture et puis Mobutu va chercher à chaque fois la qualité Batoyo na lobby il a travaillé avec la famille au commun mais c'est dans des secteurs particuliers mais en ce qui concerne que Jérémy Mboka azako zo Batoyo ya moniki bazana niveau au bazar na boanya au bakoui ko sali ça y est pour na musala l'été kende liboso oye ko mona eko zo ba change sekedi ba tu ba uti ko sisa na classe ma monique mutoyo ayebi musala na ye ba Gérard Kamanda ayeko zo bango pour na ko travailler ba ngo ba Léon Kengo Adondo ko travailler na bango donc azala ki dans un premier temps azala ki na souci wana ya ko tonga mboka oyo pour na ko tonga mboka il faut luka ba congolais o bazali considérer comme meilleur na ba domaine na bango pour na mboka na biso tonga. Voilà, honorable, ma soeur, vous avez dit que ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Awa, eza na Kisasa, na Matadi, na Brazzaville. Ils ont été en train histoire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. na ndenge longo bani okolo babu. Non, problème ezate na kozwa temps, na kozwa temps ya ko ya kokomangome baye bake émission moko to sala ka awa pona ko préparer yango ezo kabiso mwa mikolebele parce qu'il faut kotanga babuku kokoma baye bake makamunyonso na zako lobawa ezali biloko na tangi na sololi na batu peut-être na émission yo ezako landa na kopesa na koyisa bango na zuli baku ya kosolola na acteur moko munene ya periodo auti kondima kosolola na ngai apesa nga ba elema oyo aza nango tomoni ke quand même émission yo bato baza kolanda ba acteur minene ya periodo wana bandimi sikoyo koloba kopesa version na bango nakanisi ekosunga biso tozwa pe ba version ya ba acteur minene ya tango wana na kotanga kombo na ye na émission oyo ekolanda soki akorde biso audience wana Liba ya suka ezaka kake toko raconte kaga histoire ya mboka na biso tokanisi vraiment ke eko servir biso et puis nakosenga na bandeko na biso mwa patience ezala parce que batu mingi bazolinga to raconte kaka mbala moko actualité na biso ya lelo makambo eza koleka lelo non toko ki ko comprendre malamu te makambo eza koleka lelo soki toyebi esika touti te parce que toko mona conséquence ya gestion ya tango wana ndenge nini eko produire ba effet nango lelo oyo. Honorable Toton Diobotondi. Merci Mingindeko et puis poko ela mona bandeko nyonso bazako la na biso na baitando mike pa na bango. Ya solo bandeko batali na kanisi maso na biso ya mokona lelo ekomi bongo na suka bokolimbisa biso pamba te na etando ke zerende likambo ya ngonga. Oyo ngonga bapesa ki biso yango wana ekomi na suka na kanisi ezalaki 6e episode oyo tobongisa ke pona bino mokola lelo. Bande kuna bisu ya unikin, ba uyu ba yaki pona kukutana na bisu ko yebisa bisu ya zalaki posa na bino na kanisi tu yambaki yango pe to komisi yango epa ya honorable tomalo waka bongo ba kumeka kuyeku la kutala ndengini toko yuko bongisa makambo yango pambate posa na bino zalepe ndate istuara uyu ya Kongo mokolo mosusu bola ndi yango on live na kanisi nyonyoso wana yuko bongisa ma na mikolo mizariko ya pena bino ba ebanso bozale ko benga kabiso moko simana mosusu na kanisi honorable alobi yango bo kitisa mitema masolo ezale ko koba bokozwa biyano moko na moko na metuna ndenge na ndenge oyo bozale ko tuna biso totondi honorable tomalo waka na tondi wana ndeko Mike Kamwaka wazalaki na sima ya kamera elongona ndeko na biso Claude Kibuka bango nde basunga kabiso te boko kabongo kolanda masolo oyo je connais le Congo na motundo boti kolanda na kombo ya bango banso tokotombela bino penza kimya boboto pe bondeko o mabota mabino.